Et maintenant, je voudrais m'arrêter un peu sur les expressions de temps. Le mot pour dire jusqu'à est until, U-N-T-I-L. Alors comment dira-t-on « Nous sommes allés dans un bar et nous avons bu de la bière jusqu'à minuit ». Alors ici, « watch out » pour deux raisons. Sachez d'abord que « to go » étant un verbe de mouvement, la particule qui le suit sera « to » s'il y a un déplacement, comme c'est le cas lorsqu'on dit « nous sommes allés dans un bar ». La deuxième chose à savoir, c'est qu'en anglais, il n'y a pas d'équivalent de « de là » comme dans « nous avons bu de la bière ». Donc on dira simplement « nous avons bu bière », c'est-à-dire « we drank beer ».« We drank beer ». Alors, si minuit correspond à midnight, M-I-D-N-I-G-H-T, comment direz-vous, en employant la forme du passé de to go qui est went, W-E-N-T, comment direz-vous, nous sommes allés dans un bar et nous avons bu de la bière, mot à mot, bu bière, jusqu'à minuit. We went to a bar and drank beer until midnight. We went to a bar and drank beer until midnight. OK. Remarquez que de la même manière que afternoon, après-midi, est composé du collage de after, après, et noon, midi, midnight est également un bel exemple de collage à l'anglaise, puisqu'il est composé de mid, qui indique la moitié, et de night, qui veut dire la nuit. Et voici une information intéressante. Michel Thomas enseignait dans ses cours qu'il y a des messages, se dit « there are some messages ». Le mot « some », qui correspond à « du »,« de là », signifie une certaine quantité de. Si par exemple je dis « I like pop music », M-U-S-I-C, « j'aime la musique pop », je veux dire que j'aime toute la musique pop. J'aime la musique pop dans son ensemble. Mais si je dis « I like some pop music », là, je veux dire que j'aime la musique pop, mais pas toute la musique pop. Bien alors, comme vous le savez, connaître se dit « to know ». Ça s'écrit « K-N-O-W », mais on ne prononce pas le « K » initial, donc « to know ». Et si « Italian », I-T-A-L-I-A-N, désigne l'italien, c'est-à-dire la langue italienne, et pas beaucoup se traduit ici « not many », M-A-N-Y. Comment direz-vous? Je connais quelques mots en italien, mais pas beaucoup. I know some words in Italian, but not many. I know some words in Italian, but not many. Bien, passons à autre chose. Michel Thomas introduisait le mot from pour indiquer la provenance, comme dans Est-ce que vous pouvez le voir d'ici? Can you see it from here? Mais from est également employé dans des expressions de temps. Par exemple, à partir de 6 heures, from 6 o'clock, et du matin jusqu'au soir, from morning until night. Alors comment dit-on, elle vécut à Paris de septembre, September, jusqu'à juin, June. She lived in Paris from September until June. She lived in Paris from September until June. C'est ça. Et vous connaissez déjà attendre, qui se dit to wait, W-A-I-T. Mais watch out, car si on parle d'attendre quelqu'un ou quelque chose, alors c'est to wait for, to wait for. Alors comment direz-vous? Je t'ai attendu jusqu'à minuit, littéralement, j'ai attendu pour toi. I waited for you until midnight. I waited for you until midnight. Le mot for est d'ailleurs l'un de ces nombreux mots qui en anglais revêtent de multiples sens. Vous savez qu'on le traduit souvent par pour, comme dans Could you make a reservation for me? Pourriez-vous faire une réservation pour moi? Mais on l'emploie aussi pour exprimer une durée. J'y reviendrai dans un instant. Il y a deux autres mots qu'il vous faut connaître ici. Il y a « during », pendant, que nous avons déjà évoqué ensemble, et « since », S-I-N-C-E, qui veut dire « depuis ». Alors commençons par « during ». Si la forme au passé de « to sleep » est « slept », S-L-E-P-T. Comment dira-t-on « j'ai dormi pendant le film » ? I slept during the movie. I slept during the movie ou during the film. C'est plutôt mauvais signe.